va parler lecture avec une rencontre littéraire qui est proposée demain à 20h à Thônes. Ce sera à l'hôtel de l'Ermitage. Elle s'appelle L'Aventure Ordinaire. Et c'est une rencontre qui sera animée par Lionel Bedin qui est avec nous. Bonsoir Lionel. Bonsoir. Alors vous êtes éditeur, hein, votre maison d'édition s'appelle Livres du Monde. Des livres de voyage. Hein. Oui, c'est ça. Ce sont des écrivains qui voyagent et qui parlent du monde qu'ils rencontrent, qui peut être la vallée d'à côté ou un pays lointain, mais qui donnent leur point de vue sur le monde, leur culture et surtout leur point de vue personnel. Alors, bah justement, l'écrivain qu'on va rencontrer est un voyageur. Il s'appelle Lionel Cepolini. Et c'est une rencontre, en fait, autour de ses écrits. On va partager ses aventures. Oui, c'est ça. C'est un écrivain qui réside actuellement dans la vallée des Huiles, près de Chambéry, qui est actuellement prof de lettres dans un collège de la région, et qui écrit depuis longtemps, même s'il n'a pas beaucoup publié, avec la particularité, peut-être, et c'est pour ça qu'on a donné le nom « Aventure ordinaire » à cette rencontre, la particularité de nous parler de moments plutôt ordinaire, plutôt que l'aventure extrême qu'on peut lire assez souvent et assez couramment aujourd'hui dans les récits de voyage ou d'aventure. Alors par exemple, il est allé où, hein ? Alors par exemple, parmi les livres récemment publiés, il nous raconte un séjour solitaire effectué dans le massif des Aradis. Donc ça s'appelle « Le grillon de l'automne », c'est sous-titré « Sur les chemins de l'Alpe ». Il nous raconte dans un autre récit qui s'appelle « L'éloignement », le récit de son séjour qu'il a fait en Guyane en tant que prof entre 2000 et 2007. Et puis son dernier livre paru, dont on va beaucoup parler demain soir, « La route ordinaire », sous-titré « Savoie-Isère, journal de la départementale 207 », qui est là un journal de route, un récit de voyage. C'est un almanach, puisqu'il y a un texte par jour dans lequel il raconte un an de trajet quotidien, en mêlant prose et poème, qui est son style d'écriture à lui. Et avec l'idée, là, de nous parler justement de ce dont on ne nous parle pas souvent, ces moments morts, absents du trajet, et d'en faire des moments vifs et en leur accordant l'attention qu'on porte habituellement aux rencontres, aux sites, aux numéros d'art, par exemple. C'est pas des défis sportifs, hein, Lionel Bedin. Tout à fait. Nous recevons un écrivain, pas du tout un aventurier. Encore qu'on lui demandera si une aventure ordinaire, c'est une forme d'aventure et comment ça se passe. Et là, effectivement, nous ne sommes pas du tout dans l'exploit ni sportif ni extrême. Lionel, dites-moi, comment se passe alors cette rencontre littéraire ? Elle est organisée par la librairie des Aradis à Thônes, qui organise régulièrement des rencontres littéraires. Mmh. Et puis, j'animerai la rencontre avec Lionel et je lui poserai des questions qui, je pense, intéresseront le public. Peut-on vivre une vie quotidienne ordinaire, dans un cadre qui n'a rien d'exotique et avec autant d'intensité que ce qu'on nous décrit dans les récits d'aventure, par exemple? Dans quelle mesure la littérature peut aider aussi? Comment écrire sur la vie quotidienne, ordinaire? Comment contourner peut-être le piège, le risque de la banalité, de l'ennui? Et puis aussi, surtout, qu'est-ce que le lecteur peut trouver? Puisqu'un lecteur peut avoir envie de lire un livre parce qu'il s'attend peut-être à trouver quelque chose pour lui-même. Donc, qu'est-ce qu'un lecteur peut trouver en lisant ce genre de récit d'une aventure ordinaire? Voilà. On lira quelques extraits de ces récits pour permettre au public de se faire une idée sur l'écrit de cet auteur. Alors, le rendez-vous, on vous le rappelle, donc c'est demain soir, 20h, à Thônes, hôtel de l'Ermitage, rencontre littéraire L'Aventure Ordinaire, donc avec Lionel Cepolini et animé par Lionel Bedin. Ce sera un duo lyonnais, en fait. C'est ça. Merci beaucoup. Merci à vous.